Chapitre 33e. Nous avions une rude traversée à faire pour aller toucher à la rive droite et entrer dans les bouches du Rio Madeira. Le garde n'avait encore rien fait d'utile. C'était le digne pendant de Polycarpe. Mais cette fois, il fallait payer de sa personne. Il ne s'agissait plus d'aller doucement au courant. Il fallait traverser un grand bras de l'Amazone. Je donnai l'exemple et pris une pagaie. J'en mis une autre entre les mains du garde et le canot vola sur l'eau. 2 heures s'étaient à peine écoulées que nous entrions dans ce fleuve Madeira, si peu connu et qui devait réaliser toutes mes espérances. Un matin, après une nuit détestable, nous accostâmes sur un banc de sable près d'une immense partie de terrain emportée par les eaux. Ce terrain avait la forme d'un amphithéâtre avec de vastes gradins très réguliers. C'était une petite presqu'île basse et pouvant servir à planter ma tente. Je fis pour la première fois débarquer tout ce dont j'avais besoin, et je vis l'affreux Polycarpe faire une addition à sa grimace ordinaire en prenant de mes mains chacun des objets que je tirais du canot. Je fis 4 clichés. J'étais nu, avec un pantalon seulement. Il eût été impossible de faire autrement sous cette tente que le soleil chauffait. Je ne saurais dire à combien de degrés, mais je sais que ma chemise était en moins d'une minute trempée et traversée comme si elle eût été jetée à l'eau. Mes compagnons avaient pris l'habitude, aussi que le canot touchait terre, de se jeter dans le fleuve en ayant soin de ne pas s'éloigner. Cette fois, je supposais que, ne sachant pas nager, ils étaient forcés de rester sur le bord. Comme j'avais 2 affreux pantalons tout tachés de nitrate, que je changeais quand l'un était mouillé, je me jetai dans l'eau tel que je me trouvais alors, après mon travail, nu-pied et avec mon pantalon, et je fis, pour montrer ma supériorité, une foule de tours usités parmi les nageurs. Pendant que je nageais, gagnant le large, les 4 Indiens s'étaient assis. À certains signes de la bouche particulière à Polycarpe, je remarquai qu'il indiquait de la tête quelque chose que je ne voyais pas. Tous les yeux se tournèrent du même côté, mais pas un autre mouvement ne se fit. Mes 4 hommes restèrent immobiles. Je ne sais pourquoi, je fis immédiatement quelques brassées, et après avoir pris terre, je me mis à courir sans m'expliquer la cause de cet effroi instinctif. Arrivé près des Indiens, je compris tout. Attiré par ces belles fleurs violettes que j'avais déjà vues en grand nombre sur l'Amazone, j'allais directement me livrer à des caïmans découverts et montrés par le fidèle Polycarpe à ses camarades, qui ainsi que lui attendaient le tragique résultat d'une rencontre probable. Décidément, j'avais eu raison de faire l'exercice du revolver. Si j'avais été imprudent de me livrer ainsi, je me jurais de nouveau de me tenir sur mes gardes et, vivant avec des Indiens civilisés, c'est-à-dire avec des hommes sur lesquels je ne pouvais compter et dont je devais me défier, d'agir en Indien aussi. J'avais eu, en partant du paria, la bonne pensée de donner à Polycarpe une somme d'argent égale à plus de la moitié de ses gages. Je voulais en faire autant pour les autres. Ce que je venais de voir, ce que je savais déjà de leur caractère, ne m'encouragea pas à persister dans mes bonnes intentions. Nous avons poussé notre canot au milieu du fleuve et notre pierre attachée à un long câble, fait avec l'écorce du piatoba. Nous avons passé une nuit tranquille, au bruit des bourdonnements des moustiques blancs qui de loin ressemblaient à un orage. Pour la première fois, nous avons rencontré sur la Madeira un canot monté par 3 Indiens. Ils ont préféré un hameçon à de l'argent pour me vendre un poisson qu'ils venaient de tuer avec une flèche. Je n'ai rien mangé de meilleur en ma vie que ce poisson rôti au bout d'une baguette, seule manière qu'emploient les Indiens. Depuis hier, nous avons des grains toutes les heures, mais ils ne rafraîchissent guère le temps. Je me suis remis à faire des croquis avec le gros papier d'emballage dont on m'avait fait présent. Tout en remontant, j'avais fait des albums, et comme les bois devenaient de plus en plus magnifiques, j'avais fait pagayer sur un des bords, n'ayant que l'embarras du choix. Je voyais, entre autres bizarreries, d'immenses escarpolettes fleuries qu'habitaient des légions d'oiseaux et qui avaient l'air d'être mises en mouvement par des bras invisibles. Sur des arbres énormes, des centaines de nids pendaient comme des fruits et se balançaient au moindre souffle du vent. De presque chacun de ces nids sortait une tête armée d'un bec blanc et rose, c'étaient des caciques. Il m'a été facile de m'en procurer quelques-uns, mais j'ai voulu essayer de faire manger les petits qui se trouvaient dans ces nids, et j'ai découvert sur chacun d'eux une particularité bien inattendue. Ils avaient dans la chair une quantité de parasites. Quelques-uns en étaient presque dévorés. Une mouche dépose ses œufs dans ses nids toujours en grand nombre. Ses œufs, d'une substance gluante, s'attachent au corps des jeunes caciques et quand ils éclosent, la larve s'introduit sous la peau et s'accroît tellement que j'en ai trouvé de la grosseur d'un petit haricot. Ces pauvres petits oiseaux étaient enflés de tous côtés. Le trou qu'avait fait la larve était bouché par la partie postérieure et il me fallait l'agrandir avec la pointe du scalpel pour la retirer. Je fis pousser le canot bien au milieu du fleuve, un peu resserré en cet endroit. Nous mouillâmes notre pierre. Pendant la nuit, un vent très fort nous fit craindre d'être emportés, malgré la pierre, qui heureusement résista. Mais nous fûmes forcés d'aller nous amarrer sur un débord, sans redouter cette fois les moustiques, toujours chassés par la plus faible brise. Les Indiens, ne pouvant résister à cette tourmente, s'étaient serrés les uns contre les autres et avaient tiré sur eux la grande natte. Heureusement, il ne pleuvait pas. Mes pauvres singes poussaient des cris lamentables. Je m'étais bien couvert de mon manteau, n'ayant pas eu cette fois le désir d'aller m'installer en plein air. Mais il n'était fermé ni devant ni derrière, en sorte que le vent l'enflait quelquefois comme un ballon, malgré mes efforts pour le serrer autour de moi. Le lever du soleil fit, contre l'ordinaire, tomber le vent. On répara les avaries, on vida le canot. Je fis comme les autres avec ma calebasse et nous reprîmes le large. Nous avions passé toute la journée devant des éboulements de terrain. Presque tous présentaient l'aspect dont j'ai déjà parlé, de cirque ayant pour gradin ces couches de terrain mouvant, séparées par de grands arbres déracinés, retenus là par de nombreuses lianes, que les fixaient à ceux que le fleuve n'avait pas pu emporter. J'avais fait approcher le canot de ce côté, outre mon désir de faire des croquis, j'avais la chance de tuer quelque oiseau ou quelque singe que je voyais de loin. Bien que les Indiens n'expriment pas ce qu'ils pensent, j'avais cru voir que ce changement de rivage ne leur était pas agréable. Polycarpe pérorait alors. Cet affreux Polycarpe prenait dans ses narrations un air si doux qu'il me faisait oublier sa figure féroce. Il commençait à parler sur un ton ordinaire, peu à peu sa voix baissait, et il me semblait entendre au loin un chant mélodieux. Ce n'était plus une voix humaine, il me magnétisait. Que disait-il ? Était-ce l'histoire des hommes de sa tribu, dépossédés des domaines de feuillage où ils régnaient en souverain avant l'époque où les hommes blancs vinrent les enchasser ? Parlait-il de ces joies inconnues qu'ils iront retrouver dans un autre monde ? Je ne sais, mais on l'écoutait en silence. La pagaie glissait sur l'eau. Souvent, Polycarpe s'endormait, la main appuyée sur la barre du canot, et malgré moi, et malgré l'antipathie que son mauvais vouloir m'inspirait, j'oubliais tout et je lui pardonnais. Mais il se chargeait de la transition. Cette fois, par exemple, il fut réveillé par ses camarades, qui ainsi que moi avaient vu, à un détour, que le canot avait franchi une terre blanche. En avançant, je crus distinguer de grands oiseaux roses, que je pris d'abord pour des flamands. Le temps me durait d'être à terre. Plus nous approchions, plus je voyais de richesses à conquérir, entre autres un oiseau bien plus grand que les autres, perché sur une longue patte et qui avait l'air de dormir. À peine le bateau eut-il touché le fond, bien qu'il fût encore éloigné du sable sec, que j'étais déjà debout, disposé à sauter quand les Indiens auraient amarré le canot, selon leur usage. C'était, je crois, la seule circonstance où ils se pressassent un peu. D'ordinaire, le garde d'abord se jetait à moitié dans l'eau, avec ou sans shako, selon la hauteur du soleil. Puis les deux rameurs, pendant que Polycarpe, toujours prudent quand il s'agissait de travailler, cherche un objet qu'il ne trouvait que quand il ne redoutait plus d'avoir à aider ses camarades. Cette fois, le garde n'avait pas quitté le canot. Il regardait. Les rameurs attendaient, la pagaie à la main. En me retournant, je vis Polycarpe encore assis. Je lui dis « Eh bien, nous restons là ?» Il me fit une réponse évasive. Les Indiens ne bougèrent pas. L'oiseau rouge s'était posé sur l'autre patte. Nul doute que nous étions éventés. Ces fainéants d'Indiens allaient être cause que de toutes ces richesses en perspective, je n'emporterais rien. N'écoutant que mon impatience, j'avais déjà un pied hors du canot, quand, surpris de cette immobilité à laquelle je n'étais pas accoutumé, au lieu de m'élancer, mon fusil à la main, le plus près possible du rivage, ainsi que j'allais le faire, je pris une perche longue d'une quinzaine de pieds qui nous servait de mât et qui était alors étendue dans toute la longueur du canot. Je l'enfonçai à plus de moitié sans avoir touché le fond. Je ne pus dire ce qui se passa en moi quand je ne pus douter de ce qui m'attendrait un jour ou l'autre. Je fus saisi d'un tremblement nerveux qui un instant paralysa toutes mes facultés. Je tenais cette perche dans mes mains crispées. Bien convaincu que mes compagnons, n'osant se défaire de moi, avaient résolu de profiter de toutes les occasions qui pouvaient m'être funestes, et que celle-ci leur avait paru meilleure que celle des caïmans. Ils savaient, à certains signes qui m'avaient échappé, qu'il ne fallait pas sauter dans ce gouffre. Si je me fusse perdu, ce n'eût pas été leur faute, mais la mienne. Ils seraient revenus tranquillement à Manaus, après s'être partagé mes dépouilles. Combien de secondes dura cette espèce d'atonie dans laquelle j'étais tombé? Je ne sais, mais tout à coup, passant de ce calme indigné à la fureur, je fis tomber à plomb sur chacun de mes guides une grêle de coups. Ils avaient fait de moi non plus un homme, mais un démon. J'aurais, je crois, alors donné tout au monde pour les voir prendre à leur tour l'offensive, mais personne ne bougea. Comme Polycarpe était le plus coupable, je lui brisai sur la tête une pagaie, ce dont le misérable dut être content. Il n'aurait plus à s'en servir. Après cette exécution, je me jetai sur ma natte et je fermai mes rideaux. J'armai mon revolver et j'attendis, sans oublier certaines précautions devenues nécessaires, comme d'emplir mes poches de balles, d'en glisser dans mon fusil, d'attacher mon sabre à ma ceinture, le tout sans faire de bruit. Un conseil se tenait à voix basse sur l'avant du canot. Je le sentis qui changeait de place. Chaque Indien avait pris sa pagaie. Le garde avait, contrairement à ses habitudes, pris la sienne. Polycarpe avait commandé la manœuvre à voix basse. Une minute après, nous étions en route. Le lendemain, voulant dessiner, je n'eus qu'à faire un signe, et en quelques coups de pagaie, j'étais pour la première fois exactement transporté où j'avais le dessein d'aller. J'avais été compris. Il m'était resté une crainte, qui ne s'est jamais dissipée tout le temps que j'ai navigué sur les fleuves. Quand j'allais dans l'intérieur des bois, le cœur me battait avec violence en revenant. Mon imagination me faisait toujours voir mon canot fuyant à l'horizon. Il m'eût fallu me résigner à mourir de faim. Cette perspective n'était pas gaie. En attendant, je profitais de mon coup d'état. Aussitôt que je voyais un oiseau perché sur quelques branches, et mieux encore, quand les Indiens le voyaient avant moi, ils se retournaient pour me l'indiquer, et Polycarpe dirigeait habilement le canot de ce côté, combinant avec une intelligence le coup de barre qu'il avait à donner pour me mettre à portée de tirer, ce que je faisais toujours assis, sans trop me déranger, mon fusil étant posé devant moi. L'Indien qui était du côté du rivage se baissait et je tirais par-dessus sa tête. Je dois avouer que je n'étais pas toujours très adroit, avec un canot qui descendait ou remuait, malgré les efforts qu'on faisait pour le maintenir un peu fixe. Quelquefois, des familles de singes me suivaient en sautant de branche en branche et faisant la grimace. Cette manœuvre avait lieu presque toujours quand le coup était parti. Souvent, j'étais obligé de rester inactif dans le milieu du jour. Le paysage n'était pas toujours assez pittoresque, surtout quand les baobabs bordaient les rivages de leurs troncs lisses et blancs et de leurs larges feuilles clairsemées. Je mettais alors de l'ordre dans mes ateliers. Les scalpels étaient repassés soigneusement, les crayons taillés finement. Il en était qui eussent pu rivaliser avec une aiguille. Je lavais soigneusement mes glaces et je n'oubliais pas non plus mes armes. Enfin, ces journées-là n'étaient pas précisément perdues. Quelquefois, après une journée brûlante, je m'asseyais sous ma tonnelle. Je prenais mes deux singes sur mes genoux, ce qui pour eux était le bonheur suprême, d'autant plus que les oranges et les bananes, quand il y en avait, n'étaient pas épargnées. Je restais là bien avant dans la nuit, pendant que mes Indiens, qui avaient jeté la pierre au fond de l'eau, après avoir respiré la fraîcheur sur le rivage, dormaient. Ma petite embarcation s'enlevait en noir sur le fond uni et brillant du fleuve, qui reflétait un beau ciel. Aucun cri ne se faisait entendre. Je ne pouvais penser que j'étais seul. Mes singes avaient à leur tour cédé au sommeil. J'avais passé déjà bien des heures à bord des navires, à contempler l'immensité, à regarder sans voir, ou à suivre les différentes formes que prenaient les nuages poussés par le vent. Mais alors, il m'était impossible de m'isoler complètement. J'avais des compagnons, j'entendais, au milieu de mes rêveries, le commandement d'un officier, le sifflet d'un contremaître. Ici, rien. La nature était muette. Ma barque semblait suspendue dans l'espace. Après avoir longtemps rêvé ainsi tout éveillé, je finissais toujours par m'associer au calme qui m'entourait, et je m'endormais à mon tour pour me réveiller tout couvert de la rosée de la nuit. Je rentrais bien vite me sécher dans mon manteau en attendant le jour, le soleil et les aventures.